Today, 17th of June, year 2017. So, our retreat is still going on, nearly to finish. Now we are searching the truths according to the Buddha's teaching. Study, learning, researching our mind and our body, that is how they are working in our life as real as they are, the true nature of our life. So we are searching according to the Eightfold Noble Path. Nous sommes aujourd'hui le 17 juin 2017. Notre retraite est presque terminée. Nous sommes encore toujours occupés à rechercher la vérité. Nous essayons d'investiguer la vie pour la comprendre telle qu'elle est réellement. Et nous nous basons pour cela sur l'enseignement du Bouddha. L'enseignement du Bouddha, c'est essentiellement observer et comprendre les processus physiques et mentaux qui nous constituent. Essayer de découvrir la véritable nature de tous ces processus, la véritable nature de la vie. Et cet enseignement du Bouddha, c'est en réalité le noble octuple sentier. Pour comprendre quelque chose, il faut que l'esprit soit concentré sur cette chose. Si on pense beaucoup pendant la méditation, il ne sera pas possible de développer cette concentration. Hier, nous avons expliqué en quoi consiste Sila, la première section de l'octuple sentier, et nous avons vu que notre Sila, notre moralité, ce premier entraînement, est complet, puisque tous les jours nous reprenons les préceptes moraux. Donc ce premier entraînement, l'entraînement à la moralité, est complet. Nous avons ensuite dû fournir un effort pendant toute la journée pour observer sans interruption tous les phénomènes physiques et mentaux qui se manifestaient à l'intérieur de nous. Nous avons dû être constamment attentifs. Notre esprit est progressivement devenu plus stable, s'est maintenu sur l'objet et nous avons ainsi développé la concentration. Parfois, bien sûr, les objets ne nous apparaissaient pas clairement. Il ne faut pas s'en inquiéter, c'est normal, car la méditation c'est un entraînement. Plus nous nous entraînerons, mieux ça ira. Si les objets ne sont pas encore très clairs pour nous, cela veut tout simplement dire que notre pratique n'est pas encore très mûre. Nous devrons faire preuve de patience, persévérer dans notre effort, étiqueter les différents objets avec attention et concentration. De cette façon, tôt ou tard, la compréhension expérimentale va se manifester. Il y a trois niveaux de compréhension. Le premier niveau de compréhension est appelé en pali Sutta-maya-jnana. C'est une compréhension qui nous vient de nos lectures, de l'écoute d'enseignements. C'est une connaissance théorique. La deuxième sorte de compréhension, c'est Chintamaya-jnana en pali. C'est la compréhension qui nous vient de l'analyse logique. Et enfin, la troisième sorte de compréhension, c'est la plus profonde, la plus pénétrante, est appelée en pali Bhavanamaya-jnana, l'expérimentation, la compréhension à l'intérieur de soi directement. Cette troisième compréhension va nous permettre de découvrir la vérité. Selon le bouddhisme, il y a plusieurs vérités. La première, c'est la vérité conventionnelle, la vérité des concepts. La deuxième, c'est la vérité ultime. Et la troisième, c'est la noble vérité. Qu'est-ce que la noble vérité? En fait, il y en a quatre. Il y a la noble vérité de la souffrance, il y a la noble vérité de la cause de la souffrance, il y a la noble vérité de la cessation de la souffrance, et il y a la noble vérité du chemin qui mène à la cessation de la souffrance. cette quatrième noble vérité, c'est en réalité le noble octuple sentier. Nous pouvons comprendre tout cela intellectuellement, théoriquement, mais par la pratique de la méditation vipassana, nous allons comprendre par expérience directe. Nous ne comprenons pas que la vie est souffrance. Tout simplement parce que, d'ordinaire, nous nous complaisons dans ce qu'elle offre d'agréable. Nous avons des sensations agréables et nous nous y complaisons, nous les aimons et nous pensons donc que la vie est agréable. Comprendre que la vie est souffrance est quelque chose de très difficile. Le Bouddha nous dit que la vie est souffrance. Et il y a une cause à cela. Pourquoi la vie est-elle souffrance? Parce que les processus qui la constituent sont tous impermanents, ils ne durent pas, ils apparaissent pour disparaître l'instant d'après, ils sont incontrôlables, insubstantiels, impersonnels, et ils sont intrinsèquement insatisfaisants. C'est pour toutes ces raisons que le Bouddha nous dit que la vie est souffrance. Et plus précisément, elle est souffrance parce qu'elle est faite d'un nombre incalculable de processus qui ne durent pas. Tout ce qui disparaît, nous dit le Bouddha, est souffrance. Par la méditation, nous allons pouvoir expérimenter tout cela. Nous pouvons facilement comprendre que la vieillesse, la maladie et la mort sont une souffrance. Nous le comprenons, mais nous trouvons malgré tout que c'est normal, on n'y pense pas trop. On ne réalise pas à quel point cela est vraiment une souffrance. Lorsqu'on tombe malade, on prend simplement un médicament. On ne sait pas que la maladie est une forme de souffrance. Mais le corps est toujours en train de changer. Et ce changement est en réalité une souffrance. Lorsque nous devenons malades, nous ne pensons pas que nous souffrons. Nous nous disons que nous allons nous guérir de cette maladie. La naissance aussi est une souffrance. En pali, on dit « jati dukkha ». Mais on ne le réalise pas, on ne le comprend pas vraiment. On a oublié. Mais il suffit de penser que la gestation dans la matrice maternelle va prendre 9 mois. Pendant 9 mois, on sera là, enfermé dans cet endroit, sans pouvoir bouger. Ici, nous restons assis pendant 1 heure et nous avons énormément de douleurs. Donc on peut comprendre que rester 9 mois dans la matrice maternelle sans pouvoir bouger est une grande souffrance. Mais en général, les gens n'y pensent jamais. La naissance elle-même est également une souffrance. Il y aura toutes sortes de sensations que le bébé devra endurer. Mais nous avons tout oublié. Nous pensons que la naissance est quelque chose de naturel. Les êtres nobles, eux, comprennent à quel point tout cela est souffrance et veulent donc se libérer de cette souffrance. Les êtres ordinaires, qui ne sont pas encore des êtres nobles, ne vont pas réaliser à quel point la vie elle-même est souffrance. Ils vont grandir et leur ego va devenir de plus en plus envahissant. Leur orgueil va également augmenter et toutes sortes d'autres pollutions mentales vont s'introduire dans leur esprit. S'ils ont un bon karma, il est possible qu'ils reçoivent une bonne éducation et que leur vie se passe sans trop de souffrances apparentes. Mais s'ils ont un mauvais karma, ils vont devoir souffrir énormément au cours de cette vie. Nous comprenons donc, nous ne comprenons pas vraiment à quel point la naissance, le vieillissement, la maladie et la mort sont des souffrances. Mais lorsque nous pratiquons Vipassana, nous allons pouvoir pénétrer ces choses et comprendre qu'elles sont réellement souffrances. Il y a toutes sortes de souffrances. Ne pas obtenir ce que l'on désire est une souffrance. Être associé avec des personnes que l'on n'aime pas, être obligé de vivre avec ces personnes est une souffrance. Être séparé des êtres que l'on aime est une souffrance. Tous ces types de souffrances sont assez facilement compréhensible. Mais en réalité, la véritable souffrance s'enracine dans l'avidité. C'est l'attachement aux cinq khandhas, aux cinq agrégats, qui est souffrance. Tout ceci, nous pouvons le comprendre superficiellement, mais par la pratique de Vipassana, nous allons comprendre réellement en quoi la souffrance consiste. Quand on pratique la méditation Vipassana, on nous demande d'observer tout ce qui se manifeste dans le corps et dans l'esprit, et de voir que tous ces phénomènes n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître à tout moment. Nous devons donc expérimenter l'objet, l'observer et le comprendre. Nous pourrons ainsi voir et comprendre que la véritable souffrance s'enracine dans l'attachement. Nous devrons donc nous débarrasser de ce désir et de cet attachement. Pour y arriver, il faudra développer la connaissance. La connaissance se dit jnana en pali. C'est la compréhension juste. Plus nous développerons jnana, la connaissance, plus notre attitude dans la vie de tous les jours va changer. Et nous pourrons ainsi, progressivement, atténuer l'avidité et l'attachement. Plus on comprend, moins il y a d'impureté dans l'esprit. Essentiellement, l'avidité et l'attachement. Nous devons donc développer jnana, la compréhension. Ceci, c'est donc la voie, le chemin. C'est le noble octuple sentier. Il s'agira de développer l'effort, l'attention, la concentration, de façon à faire surgir samadhiti et samasankappa. Samadhiti, ce sont les vues justes qui vont remplacer les vues fausses. Samasankappa, c'est la pensée juste. Lorsque nous aurons développé ces deux facteurs qui se seront introduits dans notre esprit, nous verrons de mieux en mieux que la source de la souffrance, c'est l'attachement. Nous recherchons tous Nibbana. Que veut dire Nibbana? C'est un mot pali qui comprend deux parties, ni, qui veut dire sans, bana, qui veut dire attachement. C'est l'état sans attachement, c'est donc la cessation de la souffrance. Et la cessation de la souffrance est la troisième noble vérité. Plus l'attention se renforce, moins nous souffrons. Pour se libérer de la souffrance, il faudra donc comprendre la réalité. Il faudra comprendre le corps et l'esprit. Il faudra comprendre les phénomènes physiques, rupa, et les phénomènes mentaux, nama. Comprendre tout cela, c'est jnana, la compréhension, la connaissance. Il faudra donc que le méditant développe son attention et sa concentration. Il devra maintenir son attention sans interruption sur les différents objets qui se manifestent. Il verra alors de plus en plus clairement qu'il n'y a à l'intérieur de lui que des namas et des rupas, des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux en interaction. Il comprendra également que si cette interaction entre les phénomènes physiques et les phénomènes mentaux ne se fait pas de façon harmonieuse, il tombe malade, et s'il n'y a plus du tout d'interaction, c'est la mort. On dit alors que le méditant qui a compris tout cela de façon pénétrante dans sa méditation a expérimenté, réalisé la première connaissance vipassana, la première jnana, appelée en pali, Nama Rupa Paricheda Jnana. Ce méditant a compris la réalité dans une certaine mesure. Cette première jnana, cette première connaissance vipassana, est beaucoup plus souhaitable et meilleure que les jhanas dont il a été question précédemment. Car dans les jhanas, on ne se focalise que sur des concepts, alors qu'ici, on se concentre sur la réalité. Si donc nous voulons nous débarrasser de la souffrance, mettre fin à la souffrance, cette première connaissance vipassana est très importante. La distinction entre l'esprit et la matière. La vie n'est que interaction entre des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Lorsque nous méditons, nous observons attentivement et sans interruption tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Nous observons le mouvement de soulèvement de l'abdomen, puis le mouvement d'abaissement de l'abdomen. Pendant la marche, nous observons le pied qui s'élève, qui est poussé vers l'avant, qui s'abaisse. Au moment où nous prenons notre repas, nous observons le mouvement qui consiste à boire. Lorsque nous nous déplaçons, que nous allons à la salle de bain par exemple, nous sommes attentifs également à toutes les activités, tous les mouvements que nous faisons. Et nous constatons qu'il y a chaque fois l'esprit qui bouge et le corps qui bouge et l'esprit qui est conscient. Nous devons donc essayer d'être toujours attentifs à toutes nos actions et à tout ce qui se passe à la fois dans le corps et dans l'esprit. Nous le faisons dans le but de comprendre. Nous pourrons constater, par exemple, que par moment, nous désirons faire quelque chose, nous désirons boire de l'eau, par exemple. Ce désir, qui est un phénomène mental, c'est l'esprit, est la cause pour le mouvement du corps. Le bras, en effet, va se déplacer pour prendre le verre. Ce mouvement du bras est conditionné, est causé par le désir de boire. Le mouvement du bras est un phénomène physique qui est l'effet. Si nous observons de cette façon, encore et encore, et de façon pénétrante, nous pourrons tôt ou tard comprendre les causes et les effets. À chaque instant, nous pouvons voir qu'il y a chaque fois une cause et un résultat. Nous réalisons ainsi la deuxième connaissance vipassana, appelée en pali Pekaya Parigaha Jnana. Pekaya veut dire cause et Parigaha veut dire percevoir. C'est donc la deuxième jnana, la deuxième connaissance vipassana, qui va se développer progressivement. Si nous voulons nous libérer de la souffrance, cette deuxième connaissance vipassana est également très importante, la compréhension des causes et des effets. Nous devrons observer sans arrêt. Notre puissance d'observation va devenir très forte. Et en conséquence, nous comprendrons de plus en plus en profondeur. Nous pouvons comprendre ces choses par la réflexion, par l'analyse logique, par la pensée. Mais ce type de compréhension est superficielle. Elle disparaît très vite. Par contre, la compréhension expérimentale est très solide et très sûre. On l'appelle en pali Samasana. Nous allons donc observer encore et encore, de façon constante, sans interruption, directement à l'intérieur de notre propre corps et de notre propre esprit, comment les choses se passent. Nous verrons et comprendrons qu'à l'intérieur de nous, il n'y a que des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux. Nous verrons de plus en plus clairement que ces phénomènes sont en interaction et qu'il n'y a jamais à l'intérieur de nous que des causes et des effets. Nos vues vont alors changer. Nous aurons compris par expérience directe que tout apparaît pour disparaître l'instant d'après et que tout cela est relié par un lien de causalité. En général, les gens pensent qu'il y a quelqu'un qui a créé les êtres, qui a créé les choses. Dans beaucoup de religions, on pense que c'est Dieu qui est le créateur, ou Brahma chez les hindouistes, ou Allah chez les musulmans. Mais ici, lorsqu'on pratique la méditation vipassana, on voit les causes et les effets. On voit qu'à l'intérieur de nous, il n'y a jamais que cela, des phénomènes physiques et des phénomènes mentaux en interaction. Il n'y a ni Dieu, ni Brahma, ni Allah. Il n'y a que des causes et des effets. Lorsque ceci sera devenu très clair, après une méditation répétée, nous pourrons nous débarrasser de cette vue fausse qui fait croire qu'il y a un créateur à l'origine des choses. Nous aurons ainsi franchi la troisième connaissance vipassana, appelée Samasana Jnana, la connaissance par compréhension. Si nous comprenons ces choses de façon authentique à l'intérieur de nous, de notre propre corps et de notre propre esprit, si nous les expérimentons, Il s'agira d'une compréhension par expérience directe. C'est une compréhension qui nous appartient, qui nous est propre. Ce n'est pas une compréhension de seconde main qui nous viendrait du Bouddha, par exemple. Nous l'avons expérimentée par nous-mêmes. Ce type de compréhension par expérience directe est indispensable. Nous allons continuer, poursuivre notre pratique, et lorsque notre puissance d'observation aura atteint un bon niveau, nous verrons que les phénomènes n'en finissent pas d'apparaître et de disparaître. À chaque instant, ils apparaissent pour disparaître. Tout ceci dépend de notre attention et de notre concentration. Si ces deux facteurs sont puissants, nous verrons clairement que les phénomènes physiques et mentaux à l'intérieur de nous apparaissent et disparaissent constamment. Ils ne durent pas, même pas deux instants consécutifs. Ils apparaissent et disparaissent instantanément. Voir cela à l'intérieur de soi, c'est réaliser la quatrième connaissance vipassana appelée Udaya Beya Jnana. Udaya veut dire apparition, Beya veut dire disparition. Le méditant qui en est arrivé là dans sa pratique comprend qu'il n'y a rien à quoi s'attacher puisque tout disparaît l'instant d'après, rien ne dure à l'intérieur de soi et tout ceci, c'est donc la vision des apparitions et disparitions. Vous poursuivez votre effort, vous continuez à observer avec concentration, attention et effort. Vos facultés vont se mettre en équilibre et vous verrez ces dissolutions, ces fins, ces disparitions des phénomènes de mieux en mieux et elles vont devenir de plus en plus rapides. Vous ne voyez plus que des dissolutions, vous ne voyez plus les apparitions. Ce stade est appelé Bhangajnana, le stade de la dissolution. À ce moment-là, votre esprit est très stable. Vous voyez les dissolutions rapides des phénomènes à l'intérieur de vous. Ces dissolutions rapides des phénomènes vont vous amener une certaine peur. Cela vous fait peur. Et vous désirez alors vous libérer de ces apparitions et disparitions que vous voyez comme dangereuses. C'est le stade de la peur, appelé en pali Bhayajnana. Viendra ensuite le stade du dégoût, Adinavanajnana, Nibbidajnana, le stade de la misère. Vous commencez également à vous ennuyer, vous êtes lassé de tout cela, vous ne désirez plus reprendre naissance dans quelque plan que ce soit, tant vous y voyez de la souffrance, et tout ceci va vous amener tout naturellement à un moment à désirer vous libérer de tout cela. Ce stade est appelé Munsitu Kamyata Jnana. Vous avez un très fort désir d'échapper à cette souffrance liée à la vie. Vous allez alors reprendre votre effort. C'est Patisanka Jnana. Vous essayez, vous faites un effort tout particulier pour vous libérer définitivement de toute cette misère. Vous persévérez et vous allez tôt ou tard atteindre Sankarupeka Jnana, le stade de l'équanimité. À ce stade, vous n'expérimenterez plus les sensations ni comme agréables ni comme désagréables. Tout sera devenu neutre. Vous êtes parfaitement équanime face à tout ce qui se présente, que ce soit agréable ou désagréable. Votre esprit est devenu très stable. Il est équilibré. Il ne ressent plus aucune souffrance. Il a l'impression d'observer très facilement et d'être très léger, comme s'il flottait dans les airs. Cette sensation de neutralité, d'équanimité, n'est pas vraiment une sensation agréable, mais elle n'est pas non plus une sensation désagréable. Elle est comparable au quatrième jhana. Il est même possible qu'à ce stade, la respiration s'arrête. Vous pouvez méditer pendant longtemps, 3 ou 4 heures d'affilée, sans aucun problème. Vous ne ressentez aucune douleur. Arrivé au stade de Sankarupeka, de l'équanimité, vous vous sentez très bien. Tout est très agréable. Vous poursuivez votre pratique, Vos facultés vont petit à petit se mettre en équilibre. Les cinq facultés sont la foi, l'énergie, l'attention, la concentration et la sagesse. Ces cinq facultés vont donc se mettre en équilibre et vous allez franchir encore un autre stade appelé Anuloma Dhyana. À ce stade, vous expérimentez, vous voyez la cessation de la souffrance. C'est très important que les cinq facultés se mettent en équilibre, ne fût-ce que pendant quelques minutes, car cela va vous permettre de voir la cessation de la souffrance et d'expérimenter Nibbana pour la première fois. Vous avez donc expérimenté l'état sans attachement, Nibbana, et vous êtes de ce fait devenu un être noble. Le premier stade d'éveil est appelé Sotapanna, quelqu'un qui atteint le courant de la délivrance. À ce stade, vous êtes certain de ne plus jamais reprendre naissance dans les plans inférieurs. L'atteinte du premier stade d'éveil vous garantit de ne plus jamais reprendre naissance dans ces plans. Et de plus, vous ne reprendrez naissance dans le samsara que 7 fois au maximum, après quoi vous atteindrez le nibbana définitif. Voilà ce que l'on essaye de faire lorsqu'on pratique la méditation vipassana. On essaye de développer la compréhension. On observe tout ce qui se passe en soi à chaque instant pour voir les choses telles qu'elles sont réellement, pour voir la véritable nature de la vie, des processus physiques et mentaux qui nous constituent. Tout ceci va nous amener à expérimenter la cessation de la souffrance. Nous deviendrons alors des êtres nobles et nous comprendrons en profondeur la noble vérité. The time also up. It is today we stop here. Nous en resterons là pour aujourd'hui.